Ouais, faut vraiment aller chercher dans le tréfonds. Mais c'est vrai que ça existe toujours et ça a toujours un beau succès aux États-Unis. Il est 19h, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. Ah, j'ai pas le temps pour ma dernière question, il n'y a pas de souci. Bon. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Destination Série. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et là maintenant, c'est Benoît qui va jouer au pion blanc et qui va. On se moque pas. Bah, non, mais c'est. Sors mes fiches. Non, alors il va jouer à Jacques Martin et il va laisser entrer les artistes. Et bon week-end. Bisous d'ailleurs, oui. Et bon week-end. Bon week-end, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Sylvain. Bien, c'est l'heure, il est 19h et c'est l'heure de d'accueillir nos invités pour la troisième manche de l'Académie Fadjet. Dans quelques instants, nous allons démarrer avec eux. Troisième équipe après la pause des vacances de la Toussaint. Troisième équipe qui nous amènera à la finale, je vous le rappelle, qui aura lieu le 18 décembre, quelque part à Nancy, à Fadjet ou ailleurs. On ne sait pas encore le lieu, on le saura dans quelques semaines. Les deux meilleures équipes s'affronteront donc en direct le 18 décembre. Pour l'instant, nous avons eu deux équipes. Sou-Hélène, bonjour. Tout à fait. Bonsoir. Bonjour, bonsoir Benoît et bonsoir à toutes. Nous avons eu les durs. Les durs. Les durs qui s'en sont plutôt pas trop mal sortis. C'est ça. Et juste avant les vacances, il y avait les MMJ pour mardi, mercredi, jeudi de l'équipe de 94-2, services compris. Et voilà, ils se sont plutôt pas mal débrouillés. Alors, Sou-Hélène, je le dis hors antenne, j'ai une réclamation. Ça commence. Deux équipes, déjà une réclamation. Donc voilà, il faudra qu'on étudie cela de près, la réclamation de la première équipe. Ah, je crois savoir ce qui se passe. Donc, voilà, on en reparlera. En tout cas, pour l'instant, pour atteindre les 40 marches, il y a 40 minutes à passer ensemble. Pour l'instant, l'équipe de la d'il y a 15 jours a réalisé un score plutôt honorable puisqu'il était en dessous des 40 minutes. Et c'est parti pour cette troisième émission générique. Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. À table, il est 19h. L'Académie Fadjet. Avec ce soir. Ce sont les acteurs de l'émission Antidéprime qui vous font débattre, voyager et même cuisiner deux jeudis soirs par mois à 18h. Au fil des émissions, vous avez l'impression de les connaître sans jamais les avoir rencontrés. Bonjour Guélon, Camille et Mélie. Bonjour. Guélon, comment va le genou ? Alors le genou est en réparation, d'ici 12 jours normalement je serai en voie de réparation. Au garage, ça mène de retour et délai un peu, voilà. Avec vous, et tu fais les mêmes vannes qu'hier. Ah bah je cite d'autres marques, alors Renault, Peugeot et un petit garage du coin chez Max. Avec vous ce soir, celle qui aime jouer avec les mots ou les sons le vendredi matin, mais aussi nous raconter sa vie également. Elle aime raconter sa vie. C'est vrai. Elle aime aussi parler de son Rodolphe. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Qui est là avec Rodolphe, justement. Eh oui. Le mari d'Isabelle. Je dis officiellement le mari d'Isabelle parce que tout le monde qui écoute Isabelle le vendredi matin, c'est que Rodolphe, c'est le mari d'Isabelle. C'est un bolos. C'est un bolos sur... tous les vendredis. Voilà, c'est le futur ex-mari, en fait, à cause de ça. Je sais pas le dire, ça, parce que bolos, quand même. Il officie brillamment aussi dans En passant par la Lorraine, qui a fait sa rentrée hier soir à 19h. Tout à fait. Bonsoir, Rodolphe. Mais Isabelle est aussi dans aussi, elle est également par la Lorraine. Oui. Tout à fait. Voilà, une belle équipe, une rentrée un peu tardive quand même. Hein. C'est vrai, on a pris notre temps. Mais c'est notre 8e saison, donc on s'est dit... On fait ce qu'on veut, on s'est dit qu'on faisait ce qu'on voulait. Vous avez bien raison. J'espère que personne de Fadjet nous écoute. Ouais, t'inquiète, on fait pareil dans la voisinade, on vend des sous, enfin on donne des sous, on fait... On a dit qu'il y avait un jeu auditeur avec des millions à gagner. Ouais, bah voilà. Ok. Faut pas nous écouter, nous. C'est ça. Vous avez bien compris, ils ont la langue bien pendue. L'émission s'annonce très riche en rebondissements. Par contre, vous avez 40 minutes. Hein. Le compteur compte et va tourner dans quelques instants, puisque vous avez 40 minutes pour atteindre la 40e marche. Je rappelle un petit peu l'historique de ce jeu. Pour atteindre la 40e marche, c'est facile. Il suffit de répondre à des questions 6 catégories qui rendent hommage de près ou de loin à notre station. Des questions solidarité, parce que Fadjet est un projet solidaire, alors on pourra retrouver des grands moments de la maison, des actions de solidarité à travers le monde. Des questions insertion, parce que Fadjet a la mission de venir en aide à un public en difficulté, particulièrement aux jeunes. Ces questions peuvent évoquer des temps forts vécus ici ou des actes plus généraux, en lien avec le sujet. Des questions émissions, parce que Fadjet, c'est plusieurs centaines d'émissions depuis 40 ans. Des questions cuisine, parce que Fadjet, c'est aussi un lieu de convivialité qui passe par sa cuisine, ses repas passés ou présents. Alors, cette catégorie abordera des questions générales liées à la cuisine. Des questions musique, bien sûr, parce que Fadjet, c'est évidemment des heures et des heures de musique. Et enfin, des questions culture, parce que Fadjet, c'est aussi des partenariats avec des grands événements, le Jardin du Michel, NJP. Alors, on abordera la culture au sens large dans ces questions. Pour atteindre la 40e marche, l'équipe tire au sort ses catégories, à minima une de chaque catégorie, mais peut choisir le nombre de marches qu'elle peut franchir. Une, trois, cinq ou dix marches. Vous n'avez le choix, vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois les 10 marches, sinon c'est un peu facile. Ouais. 4 questions, vous êtes arrivé. Il faut faire un tout pile, il faut choisir donc ces questions pour arriver à 40 piles. Et après, si tout le monde arrive à la 40e marche, c'est le chrono qui compte. Et pour l'instant, voilà, on est autour de 36 minutes. C'est ça. Mais nous, on n'aura besoin que de 20, donc c'est bon. Tu vas y aller. On tient le pari. Hein. Je vais rentrer plus tôt chez vous. Ok, ça marche, bah, ça tombe bien. Bon, moi, j'allais dire c'est chaud, mais bon, a priori, vous êtes... Oh, mais nous, on a peur de rien, on est nuls, mais on a peur de rien. Ah, c'est lui, j'arrête de répondre, moi, de toute façon. Mais bon, voilà, c'est un travail d'équipe, vous êtes 5, là, voilà, ça devrait bien et se passer. Et on sera pas trop, à mon avis. Et on n'est pas méchants, et vous inquiétez pas. Je vous ai demandé un choix musical, on va commencer par le choix musical de la voisinade, et puis, comme vous aurez tous fini bien avant l'heure, on aura le temps d'écouter le choix d'Isabelle, entre autres. Donc, le choix, votre choix, c'est une chanson... Imagine Dragon. Imagine Dragon. Il est dans la prog, dans le cartoucheur. Dans le cartoucheur. Oui, il est mis. C'est une chanson donc, d'Imagine Dragon qui s'appelle Wake Up. Pourquoi ce choix? Vous êtes fan? Alors, on s'est même pas concerté. Ouais, j'ai pensé à Imagine Dragons. Et quand j'ai envoyé le message, Mélie a dit « Ah, je pense qu'Imagine Dragons, ouais, c'est pas mal. » Il fallait quelque chose qu'on aime tous les trois, déjà. D'accord. Et donc, c'est ça. Eh bien, alors... Bah, j'avais proposé Francky Vincent, mais il y a eu des conflits. Non, donc, non, je suis contre. C'est interdit. Ok, c'est bon. Imagine Dragons, voici Wake Up. Et puis, tout de suite, après, on commence à jouer. Oui. Between us, big man gonna break to pieces. Spinning and can't believe it. Spinning. Turn around, turn it up. Talk a bit, zip it up. Lock you in and close it up. Duh, duh, duh. Yup. Flip it upside down, I'm wheeling. Dealing. Every single one of you is coming to my mind. Bring them all together, can you stack them in a line? Jealousy is gonna be your failure, not mine. Winning. Turn around, turn it up. Talk a bit, zip it up. Lock you in and close it up. Leave it, give an inch and I'm bound to seize it. Take a chainsaw out and feed it. Rin-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din Come alive when you don't believe it. Write me off and I'd love to read it. Spit your words and I'll watch you eat it. Dig, get it in, get it in, get it in. L'Académie Fadjet. 19h10, on est pile poil à l'heure pour lancer le chrono. Et alors, on a une personne en plus ce soir, Manon est restée, Manon est là, donc Manon fait à l'arbitre. S'il y a un souci, voilà, ce soir, on a dit... Sur toi, Manon. S'il y a un litige, parce qu'il y a déjà des litiges. Hein, donc. On peut te payer en chocobon si on peut, voilà. Il faut, pas de problème. Swellen, tu es prête ? Je suis prête. Attention, le chrono est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, honneur aux dames. Allez, Isabelle. Ok. Allez, une petite catégorie. Le stress. Insertion. Insertion. Ah, on commence par du... Bon, c'est bon, on maîtrise. Question insertion. Alors, donc, le point. Le point, combien de points sur cette question ? C'est 4, 6, 10. 1, 3, 5 ou 10. On n'a pas mis une dedans, mais. Non, mais. Non, mais de toute façon, moi je proposerai 1 à chaque fois. Je tenterai un 3 vous ou un 5. Vous ne les perdez pas, les points. Que... Voilà, les points ne sont pas perdus. Vous ne les perdez pas si vous avez faux à la question. Ah, on tente. On tente un 5. Allez, un 5. Un 5. Autant tenter 5 à chaque fois, en fait. Bah oui. Bah oui. Une fois le 10. Bon, après, ça devrait le faire, ça. Quelle émission ? On joue pour une émission. Enfin, sur une émission. Quelle émission est connue pour ses messages à destination d'une population particulière ? Alors, Parole. Bah oui, d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Outre-mur, c'est ça, oui. Pomme ? Parole d'outre-mur ? Oui. Ouais. C'est ça, tout le monde est d'accord ? On est tous d'accord. Certes, mais pas discrètement, en fait. on est obligé de se concerter. Non, c'est de la radio aussi. Si on se concerte discrètement, c'est moche. Non, t'as raison, Rodolphe. Parole d'outre-mur, on est d'accord ? Vous avez le droit d'échanger, de dire toutes les bêtises que vous voulez. Moi, je vous fais entièrement confiance. Émission, lit les courriers adressés aux personnes incarcérées. Parole d'outre-mur, c'est ça ? Oui. Donc on va dire parole d'outre-mur. Notre dernier mot, Jean-Pierre. Pardon, Benoît, c'est le dernier mot, Benoît. C'est mieux, Benoît, je trouve. Effectivement. Ça, c'est la petite musique gagnante. Voilà, c'est ça, c'est okay, la petite. Okay. Ouais, effectivement. Yes. 5 points, ça commence bien. Finalement, heureusement qu'on a Rodolphe et Lisa avec nous. Je pense on a bien fait les points. Mais tu savais aussi, quand même. Parole d'outre-mur, qui a été longtemps animée par plein de personnes qui venaient ici prendre le téléphone au tout début et qui notaient les messages des prisonniers. Alors maintenant, c'est avec le temps passant, ça, c'est autrement. Maintenant, ils envoient des courriers ou des emails. Et donc, c'est comment Il y avait Véro, Bernard. Voilà, il y a plein de gens qui ont fait d'autres. Ça. Et maintenant, c'est Yves qui recense ça et qui fait ça tous les dimanches soirs. Voilà, Parole d'Outre-Mur, une émission qui date quasiment depuis 40 ans. Oui, c'est la plus ancienne qui est encore à l'antenne, je crois. Voilà, exactement. Et ça continue. Donc, un petit coucou à nos amis des prisons des alentours qui nous écoutent. On aurait dû dire 10. Ouais. Bah oui, on va dire 10 à chaque fois, comme ça, dans 5 minutes. Pas 10, on peut pas 10. Une seule fois. Une seule fois. On l'aura quand même. Ah oui. Allez, on est donc à 5. Est-ce qu'on remet la catégorie d'avant après, ou pas après. Voilà, on fait déjà un petit tour sur toutes les catégories. Kitty, allez, je vais à l'autre côté. Allez. Mélie. Tu tires un truc bien. Bah, musique. Non, pas franchement. Ça va. Ça va. Question musique. Alors, qui a fait ce jingle? Est-ce qu'on peut le piquer dans la voisinade ou pas? Ah ouais, je vais bien le prendre. Perdons pas de temps, il y a 40 minutes. Pardon? Oui, alors attendez, j'ai oublié de... Ah, on se concerte à voix haute par là aussi. Voilà, donc oui, question musique, ça va sans doute être un titre ou un auteur ou autre chose. Mm-hmm. Je meuble. J'ai oublié de mettre les repères, donc c'est un peu compliqué. Tu l'as? C'est bon. Alors, finissez la phrase de cette chanson de Victorien. Alors là, c'est un petit coup de cœur. Moi, j'aime bien aussi faire des petits coups de cœur, comme j'ai adoré le coup de cœur de ce matin. Ah. Tu me redonneras le nom parce que j'ai pas eu le temps de capter le nom. C'est un Islandais, c'est pas facile. De la découverte musicale de ce matin d'Isabelle. Mais là, j'ai un petit coup de cœur, c'est Victorien. Je sais pas si vous connaissez Victorien. Il faisait partie de la Starac, ouais. Il y a 2 ans. Ah oui, la fameuse Starac où c'est notre ami Pierre Garnier qui a gagné. Je sens bien Isa sur cette question. Oui, lui. Victorien, non. Et lui, il galère un peu et il vient de sortir un album. Je l'ai vu en concert à Liège il n'y a pas longtemps et franchement, il mérite qu'on s'intéresse. Alors, vous ne connaissez sans doute pas la chanson, mais il faut finir la phrase. Il y aura peut-être celui qu'on donne les points avant. Oui, t'as raison. Mais non, mais il fallait faire ça à chaque fois. Vous avez raison, vous avez raison. De toute façon, on ne sera pas sûr. Non, mais oui, c'est bien. Moi, je ne suis pas un tricheur. Hein. Ouais, merci, Rodolphe. Ouais. Je râle si je perds. Mais... Je ne suis pas un tricheur, mais. Mais je râle si je perds. 5. Encore. Voilà, donc 5 points également. Donc, finissez la phrase de cette chanson de Victorien. C'est Il faudra, c'est son nouveau single. Alors, attention, question. Il faudra s'écouter. Il ne faudra pas s'enfuir. Ça, on l'a trop fait. Il faudra s'aimer. Il faudra faire semblant. Quitte à se faire souffrir, il faudra bouffer le temps. Il faudra qu'on parte, faire tout ce qu'on s'est promis. Visiter la carte pour voir tous les pays. Il faudra aussi que j'arrête de tout remettre à demain. Ouvrir la boîte aux lettres, les messages, mes chagrins. Il faudra le faire, il faudra tout tenter. Laisser sa vie derrière, sans emporter les clés. Il faudra le faire, faire tout ce qui est interdit. Quitte à risquer l'enfer, puisque demain... Il faudra faire tout ce qui est interdit, quitte à risquer l'enfer, puisque tout est... Non, il dit tout sera fini. Ça doit rimer en... En I, c'est sûr. Bah, demain, c'est fini. Demain, tout sera fini. Ou tout sera mini, tout sera fini. Mini. Moi, je reviens demain, c'est ligamentoplastie, mais peut-être que je fais un peu de... J'ai un DS de philosophie, mais... Que ça rime en i déjà ? Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir les paroles d'avant ? On peut entendre juste l'avant ou pas ? Voilà, attention, hein. Ne te trompe pas. Je ne me trompe pas. Tu peux couper 3 secondes après. Hein. Non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Bon alors, tu veux pas ? Attention. Sans emporter les clés, il faudra le faire. Faire tout ce qui est interdit. Ah oui, ouais, c'est un rime en i. Demain, c'est fini. Tout sera fini ou c'est fini. Tout sera fini. Il faut qu'on ait les mots exacts. Ce sera fini ou un truc du style. Demain, c'est fini. Proposé. Que demain, c'est fini. Demain, tout sera fini. C'est pas mal, je trouve ça. Demain, tout sera fini. J'ai l'impression que la façon dont il chante, c'est plus court que ça. Ça va être plus court, mais. Alors, c'est deux chanteurs qui te. Donc, nous, on a un peu l'habitude. Au passage, sympa cette musique. Oui, c'est pas mal. Très sympa. C'est pas mal. Merci pour la découverte. Voilà. Parce que demain, ça sera. C'est bizarre qu'ils disent puisque demain, c'est fini. Ah, quoi que si, c'est fini, moi je dirais. Il n'y a rien d'autre qui pourrait faire i, puisque demain, tant pis. Tipeee, mais je vois pas trop. Non, ça marche pas non plus. Demain, Mélie. Après. Non, allez, on part sur. Demain, il y a Mélie. Oui, ça. Ça peut être ça. C'est fini. On dit c'est fini. C'est fini. Perdons pas de temps, de toute façon, on sera jamais sûr. C'est fini, on dit. C'est votre réponse. Oui. Ouais. La réponse. J'ai validé. La réponse. C'est fini. Oui! Et oui, puisque demain c'est fini. Oh là là là là là là! On est bon, on est bon! Plus que 30 marches! Ce petit Victorien! Allez! Bravo, bravo! Ça commence fort! Ça commence fort! Hop, on continue! Donc là, il ne reste plus que 4 catégories. Hop! Solidarité! Solidarité! Alors, attention, je ne vais pas me faire avoir. Question solidarité! Et les points? 10 points! Non. Non. Non. 5. Ah. Je montre le chiffre que je n'avais pas mis. Sur... je peux dire le chiffre, c'est 30. Ça ne va pas les aider. Oui, non. Ah, si. Les repères. Hein. De quelle cause s'agit-il ? Attention, on écoute. « pas savoir s'il y aurait pas au fond de nos poches des machines à faire des vœux. À faire sourire quelques mioches, à leur repeindre leur ciel en bleu. Va savoir s'il y aurait pas au fond de nos cœurs un peu de bonheur qu'on peut donner. Ça me parle cette chanson. Rien d'amour à partager pour de l'espoir à retrouver. Un, deux, trois petits soleils. Comme ces petits bouts de lame qui attendent un geste au fond des poches. Au fond des poches. Tellement de petits soleils qui brillent bien bien au fond de leurs yeux. Au fond des poches. Au fond de nos poches. On fait pas de la télé, mais ça vaudrait le coup là parce que. Attends, il y a 5 minutes. On sent qu'il n'y a pas de. Moi, je dirais bien un truc. C'est pour aider les enfants. Chanteurs qui vont dans les hôpitaux. Ah non. Qui vont chanter dans les hôpitaux pour les enfants malades. Ah ouais. Truc moi, j'aurais pensé pour les enfants. Oui, c'est pour les enfants, mais genre. Tu sais, à l'étranger, qui n'ont pas les moyens d'éduquer, qui meurent de faim, des choses comme ça, tu vois. Ouais, mais il dit L'UNICEF. À un moment donné. Alors, il y a Soleil, tu me diras devant. L'UNICEF, c'est pas mal, moi, je pense. Ce qui me venait aussi, après, en même temps, je. C'est le plus connu, je pense. Après, c'est une cause déterminée par un nom particulier ou... C'est une cause hyper, hyper, hyper connue. Bah, à l'UNICEF, c'est hyper, hyper connu. Ah, oui. Ah ouais, donc pour l'UNICEF, alors. Ouais. Non, mais non, mais j'ai... Bah, si, ça me paraît pas mal. On doit vraiment citer, on doit pas donner un thème, quoi. On doit citer le nom de la... Nom de... La cause. Bah, après... Par exemple, si c'était les Restos du Cœur, on devrait dire les Restos du Cœur ou pour les gens qui ont du mal à se nourrir. Voilà. J'attendrais les Restos du Cœur. D'accord. Alors, si c'était, par exemple, la chanson des Restos du Cœur, est-ce qu'on connaît les Restos du Cœur association qui c'est le premier qui nous est venu, moi, je dis, il faut... Il faut garder, ouais. Garder ça, l'UNICEF. Garder ça, l'UNICEF. Allez. Tente. Allez, on dit, vas-y Mélie, c'est toi, comme ça, si t'as tort. Voilà, allez, voilà, l'UNICEF. Si vous écoutez la chanson, si vous dissociez un peu les paroles, il parle de quoi? On peut changer d'avis ou pas? Non mais, non, mais alors, on n'a pas proposé de réponse. Moi, j'ai pas entendu une réponse, hein, je sais pas vous. Mais... Si, il parle des enfants, du soleil, de jeter du soleil. Et qu'est-ce qu'il est? Comment il est le soleil? Absent? Comment il est le soleil? Il est chaud. Cette question me rend... Rond et jaune. Comment il est le soleil? Vous avez 4 heures. C'est un peu toi l'experte en géographie, donc je me permets quand même de... Ah ouais, mais c'est la géographie sur Terre, pas le soleil. Moi, je... Non, comment il est le soleil? Il est grand, il est uni, il est... Dans la chanson, il est pas grand. Ah. Il est petit. Voilà. Je vois soleil. Pas le rapport petit soleil. Il y a un nom petit peut-être soleil. D'association que nous n'avons c'est pas. L'UNICEF, c'est l'UNICEF, ça c'est connu ça. C'est quoi, il y a de l'argent soleil. À gagner. Deux, trois les animateurs essaient de nous soleil. Non mais non, je crois que là on n'a pas. Hein. Deux, trois petits soleils. Plus 14, j'en sais rien. voilà. Il était pas loin tout à l'heure, Rodolphe. Ah, alors, dans les hôpitaux, alors. Ah, dans les hôpitaux. Les gamins dans les hôpitaux, ils voient pas le soleil, donc... Pensez deux, trois petits soleils. C'est incroyable, vous l'avez jamais entendu, cette chanson-là? Non. J'ai déjà entendu cette chanson, moi. Ouais, elle passe quand même... Elle est passée assez souvent sur Fadjet, également. Et c'est la première fois qu'il y avait une chanson sur cette cause-là. Ah oui. C'est un, deux, trois soleils, ça dit ça, un, deux, trois soleils deux, trois... C'était le... C'est pas... C'est pas les enfants qui sont malheureux et qui sont victimes de violences. Alors, non. Oui, alors, c'est pour les enfants. Ouais, ça, on avait le thème. Mais la cause. Et le reste. La cause. Deux, trois petits soleils. C'est là, essayez, je... À quoi c'est assimilé les deux, trois petits soleils? Alors là, je l'ai pas, moi. Si c'était le l'espoir, l'espoir quand ces enfants-là, quand... Ouais, non. Non, ok. Je sais pas. Non, terre à terre. Étoiles dans les yeux. Soyez plus terre à terre. J'aide beaucoup, Oui. Ah, bah oui. Soleil. Alors, ils vivent dans là, le Nord. Tu vois, là, je vais avoir un message de Fred. Ouais. Le pire, c'est qu'il y a des litiges. Non, mais parce que nous, on est un peu... Voilà, donne-nous la réponse. On est bons joueurs, même avec les indices, on ne l'a pas. C'est ça. J'arrive pas à lire la réponse que tu m'as écrite sur le papier. Elle a écrit mieux. Non mais je voilà donc non bah on va non mais bah tant pis on va là on perd du temps en plus donc je trouve qu'on devrait passer à autre chose. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. Voilà. Voilà. C'est les pieds jaunes. Ah, OK. Les deux trois petits soleils, c'est on les connaît petits pas, petits on connaît jaunes. Pas. Et donc ils ont fait une chanson. Deux trois petits soleils. Voilà, c'est la première année que des chanteurs ont fait des choses pour la cause des pieds jaunes. Deux trois petits soleils. OK, ouais, allez. On passe à autre chose, je suis énervé là. C'est les enfants en fait. Voilà, donc c'est pas grave, hein, mais hop, on continue. Pour moi, les pieds jaunes, c'est Didier Deschamps maintenant, alors il fallait qu'il chante dans la chanson à un moment, quoi. Je sais pas s'il chante pas à un moment donné, mais... Allez. Hop. Émission. Ah, émission. Hop. Question. Émission. On donne. On prend. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce... Non, est-ce que. Je sais pas. Non, on sent pas plus. On tente le 10 là. Sur laquelle on se sentirait plus à l'aise. Parce qu'il faudrait bien qu'on le tente un moment. Le parce que c'est quoi les thèmes? Il y a quoi de bah, donner la question avant. Culture, émission, musique. Il y a cuisine, on pourrait. Cuisine. Cuisine, on se sentirait plus à l'aise, non? Ouais. Ouais. Si on peut. Alors on garde 5 points. On garde 5. Ok, bah 5 alors. Je vous connais bien là. Je vous reconnais bien là, mon cuisine. Alors, faut voir. Hein. Alors, comment ne pas être subjugué par cette magnifique entrée en matière? Mais où a-t-on pu l'entendre? Dans la minuscule pièce commune que nous partagions ma sœur et moi, chacun passait à l'autre la musique qu'il aimait sur la platine disque de la nouvelle jeune fille, toute nouvelle jeune fille, à l'époque où les disques étaient gravés à même le plastique noir et tournaient mystérieusement devant nous pour délivrer leurs notes au milieu de leur sillon. C'est une émission de le Fat Jet, on est d'accord. L'émission de classique, comment elle s'appelle? Captez mal des paroles. Je pense que c'est sa voix au le truc en Fat Jet là. C'est retour en Fat Jet, non? Mais j'étais curieux de toute façon. L'album passait en boucle. Je l'ai pas moi. Et il y avait pas une émission aussi où ils écoutaient des disques anciens? Vinyl Maniacs. Bah oui, mais c'est pas lui, c'est pas Gaël. C'est pas ça. Concerto en Fat Jet. Je pense que c'est l'émission de classique. Alors là, oui. Concerto en Fat Jet. C'est la première fois que j'entends ça. C'est ça le nom. Concerto en Fat Jet. Peut-être. Ce serait la voix de Thierry, ça. Plus tard, près de Metz. Ah, c'est pas lui, donc. J'avoue que je n'ai pas écouté cette émission de classique, mais. Un soir, j'y croise un mec sympa, Hervé Rouillet, qui nous fait l'honneur de participer au notre groupe de percus ce jour-là. Et à la pause. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la musique. Ça se trouve, c'est genre une heure avec ou quelque chose comme ça. Une émission dans le genre. Peut-être. Mais bon, peut-être. Bon, donnons vite une réponse pour pas perdre de temps. Pas. Ah bah alors là, moi, il n'y a rien. Mais apparemment, c'est pas ça parce qu'il nous a. Parce qu'il est en train de préparer l'émission de la semaine prochaine. Donc. On l'a perdu, c'est ça. Il se dit, bon, bah, comme toute façon, ça va être rapide. Moi, je suivrai. Moi, je suis ça, moi. Ouais. Ce que fait le groupe. Ouais, mais il a l'air de dire que non. Ils ont découvert leur génie de la scène au concert. Nous avons même eu l'honneur. Sa voix te dit quelque chose. En concert solo en octobre 2022. Au sein de nos concerts musicaux jardin à Chenny, près de Metz. C'était un concert totalement hors sol et inoubliable, des regards humides, de la beauté, des sons de la poésie. Il a une voix particulière, hein. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai découvert aussi, hein. Donc j'avoue que c'est un, mais c'est une émission particulière. Bon, bah, disons, vous savez pas ça, mais Concerto en Fat Jet, on va dire, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Concerto en Fat Jet, c'est pas la voix de Thierry, c'est la voix de Z. C'est l'émission Parfum d'étoiles qui parle de découvertes musicales et culturelles sur des thèmes insolites. Ok, ok, très bien. Allez, on enchaîne. Il avait dit qu'il était mauvais joueur. Allez, on continue. Il reste deux catégories. Qui n'a pas tiré? Hop, voilà. Culture. Culture. Alors. Question culture. À la voix, on dirait un peu Jean-Luc Reichmann. Oui. 5. Oui. Culture. Alors, combien de points? 5. Ça va. On est à 10 sur cuisine. On est à 10 toujours. Ouais. On est à 10. Ouais. Et la voix, vous l'entendrez la semaine prochaine dans l'académie. Ok. Ok. Okay. Alors, ça, j'aime bien. Oula. J'aime bien. Moi j'ai peur, perso. Ouais, moi aussi. J'aime bien. Qu'est-ce qu'un aspiratiste? Un quoi? Bah alors, je dirais bien que c'est quelqu'un qui fait de l'aspirateur et on l'a déjà dit dans la voisinade. Un aspiratiste. Je me dis, aspiratiste. C'est débile. Aspiratiste. Non, c'est quelqu'un qui aspire à quelque chose. Un aspiratiste, ce mot existe pas, d'accord? Toi, tu l'as déjà dit dans une des émissions de la voisine. Oui, c'est vrai, quand je parlais des si gens ça qui existe, disaient, si tu me poses la question. Mais si, ça existe. Alors, c'est soit quelqu'un qui vient passer aspirateur chez toi, comme à l'époque, comme nous l'a dit Mélie dans une. à l'époque, ça se faisait comme ça, on l'a vu la voisinade. On en a parlé il y a un mois. C'est vrai. C'est vraiment ça? Mais on sait pas si le mot existe. Non, mais le mot existe pas, mais c'est un mot que j'ai inventé. Mais c'est trop facile. Soit. Ah, alors c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être. Oui, il a repris un truc de. Bah ouais. C'est effectivement ça. J'ai repris. Ce que je trouve assez drôle, c'est un mec qui vient chez toi un mois après. On a des doutes, on se dit c'est une. Donc c'est un mec qui vient passer la spie et c'est un mot inventé par Mélie. Mélie a inventé un mot, mais moi ce que je veux, c'est effectivement ce qu'elle a dit. Mais attends, est-ce que vraiment ça aurait été dans la catégorie culture? Bah oui, c'est la culture. C'est ça, il vient de le dire. C'est sûr, c'est un nouveau mot. Non, mais c'est ça. Du coup, t'avais dit quoi à l'époque? Je veux la vraie. Alors là, je serai intransigeant. La vraie. Je veux la vraie réponse. De toute façon, j'ai la preuve. Oui, il y a qu'une toi. Mais c'est un mec qui vient chez toi avec un aspirateur, un camion et qui passe. C'est ce que t'as dit. J'écoute. Je vous écoute quand même. J'ai l'impression que tout ce qu'on a dit. Donc c'est ça, redis ce que t'avais dit. Oui, et bah, en fait, j'avais fait une chronique où j'avais. Non, mais on s'en fout, d'accord. Qu'un aspiratiste. Okay. Et bah, un aspiratiste, c'est quelqu'un qui vient chez toi pour aspirer la poussière. Avec son camion, en fait, il a un énorme camion et du coup, il a des énormes tuyaux. Tu passes les tuyaux par la fenêtre et tu passes l'aspirateur. Un aspiratiste. Voilà. Ok. Alors, la phrase exacte. C'est, c'est pas tout à fait ce que tu avais résumé, mais bon, on va. C'est Manon qui va juger là, du coup. Comme connerie, moi encore. Je sais plus ce qu'on a dit, c'est grave. Hein. On écoute la réponse? En fait, c'était un fourgon qui se déplaçait et il vendait pas des aspirateurs, mais il vendait le service. Eh ben, c'est ce qu'on dit, c'est ça. Donc, il fallait réserver ton fourgon aspirateur. Attends, je veux venir l'aspiratiste. C'est toi qui dis aspiratiste. C'est ce qu'on a dit. Oh, je vais appeler tous les mecs comme ça maintenant. Tous les mecs qui font du vent, les aspiratistes. Ouais. Je m'étais jamais demandé comment c'était avant l'aspirateur. C'est horrible, fallait passer le balai. Oui. J'ai... Non, il n'y avait pas de balai, il y avait un mec qui soufflait sur la poussière. Bon, tu vois, pour l'enlever, il faisait tout à la main, quoi. C'est tout. Et après, ils ont inventé donc le camion aspirateur qui est. Et vraiment, ils prenaient des tuyaux, ils mettaient des tuyaux chez les gens, et avec le fourgon, ils aspiraient. Oh là là. C'est exactement ce que tu as dit. Exactement, au mot près. Au mot près. On a bien fait de miser 10 points là-dessus. Donc bravo, bah, c'était effectivement bien ça, mais tu te rappelles bien de l'histoire en entier en plus. Ah ouais, bah oui, bah, j'ai bossé mon sujet. Hein, mais ça m'avait marqué en plus cette histoire. C'est vrai que c'est... Bah, ça m'avait marqué aussi. Ouais, bah oui. Après, ça, c'est du pain béni. C'est vraiment aller dans la rubrique culture. Les 15, allez, 15. C'est un mot nouveau. Ah oui, c'est vrai. Peut-être dans le Larousse ou le Robert l'année prochaine. Nous sommes donc à 15. Il reste une question cuisine, donc je pense que là-dessus, vous allez... Allez, 10 points. Allez, 10. Allez, 10. Non mais attendez, on n'est pas des pros de la cuisine non plus. Ouais, allez. Là, il faut tenter. On invente des mots. Un tartiste, un mec qui fait des tartes. Voilà, ça va être simple. Faut tenter. Combien de points? Donc 10 points. 10. Ça, allez, on tente 10. Il nous reste plus que 3 minutes pour gagner, donc... Non, vous êtes à 19 minutes et 23 secondes. Ouais, on avait secondes. Dit 20 minutes, donc il nous reste plus que 30 secondes. Quel ustensile de cuisine? Oh là là. Porte le même nom qu'un oiseau. Oh, bon, pas d'accord. Il n'y a pas un truc de colibri? Ça donne comme ça, colibri? Bah, pour l'oiseau, on confirme, mais pour l'ustensile. C'est pas... ouais, je suis intéressé. C'est quoi un colibri en cuisine? J'expliquerai après, donc c'est pas ça. Non, mais je... En fait, le kiwi, ça c'est juste un aliment, c'est pas un ustensile. Non, c'est pas un ustensile. C'est dommage. Le laminoir, c'est pas un. Non, mais. Spatule! C'est la spatule, c'est bon! Ah oui, bah oui, c'est la spatule. La spatule, c'est un oiseau? Oui, c'est un oiseau. On a un jeu de société avec des oiseaux. Ah, ok, bah la spatule. Donc je vais dire la spatule. C'est une illumination. Non, c'est vraiment ça, ouais. La spatule, ouais, la spatule. Oui. Et après, je t'explique ce qu'il y a. Un colibri. Un colibri en cuisine, ça, je suis quand même très intéressé. C'est ça. Ah oh. Bravo, Camille. Bravo, Camille. Du latin spatula, c'est un échassier qui a un long bec en forme de. Spatule. De cuillère. Ah voilà, oui, oui. Ok. Il y avait dans Wingspan, ça. Mais oui. Camille joue à Wingspan 3 fois par jour, en fait, ouais, c'est ouais, pour c'est ça. Mais après, on le connaît, ce truc-là, oui. Avec le grand bec. Oui. Bravo, Camille. Super. Ok, donc on est à 25. C'est ça, 25. Hop, okay. On a fait le tour, là. Oui, et donc, on recommence avec une autre question. Combien de points? Oui, vas-y. Par la catégorie. 5. Solidarité. 5. Bon, on fait 5 à chaque fois, de toute façon. Ah oui. Ouais. 5, ouais. Question solidarité. Ah, c'est des questions assez particulières cette semaine. Quelle est la particularité justement du livre de Valérie Perrin, L'Oublié? Alors, on parle littérature, mais on est dans la catégorie solidarité. Donc, on parle littérature. Qui doit y avoir un rapport. Hein. L'Oublié, tu peux dire comment ça s'écrit, L'Oublié? L'Oublié, L'apostrophe O-U-B-L-I-E. Donc, et E. Et E, quelqu'un qui a été oublié. Oui, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a une cause quand même derrière ce livre, donc... Alors, quelle est la particularité de ce livre ? Oui. C'est ça ta question ? Particularité. Alors, c'est pas forcément... Alors, non, je vais arrêter de parler parce que... Alors, la particularité... Oh, continue. C'est pas forcément... C'est dans Solidarité, c'est ça ? Oui. Dans Solidarité. Est-ce que les fonds du livre sont récoltés pour une cause ? Pour une œuvre, ouais. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres de solidaires ? Non mais c'est, ça me paraît pas mal ça. C'est un peu trop facile. Tous les fonds, ouais. Tous les fonds, ouais. Ou alors ils vendent. Tous les fonds vont à quelqu'un qui a été oublié. C'est-à-dire. Personne. Genre Magali. C'est très précis ce que tu demandes. Ah non. C'est très précis ce qu'on doit dire en termes de solidarité ou c'est assez général. C'est assez générique. Enfin c'est. Oui c'est assez générique. C'est encore pour une cause, mais vous êtes pas très con. Tous les fonds vont à Brigitte Macron. Tous les fonds vont à l'oublier. C'est pas une cause humanitaire, mais elle a, et voilà. Ah, faut que j'arrête de parler trop. Attends, c'est pas une cause humanitaire, d'accord. Mais ça va sur une personne en particulier qui a été oubliée. Ça aurait pu s'appeler les voyages de Mélie en Allemagne, par exemple, en Bavière. Ah. Mais ça n'a pas été choisi. Et j'arrête de parler. Je comprends pas pourquoi. C'est encore pire qu'avant, moi, avec les indices. Ah oui, avec les indices, ça nous... aux femmes. Un truc lié aux femmes. Oui, c'est ça. Et pourquoi les voyages de Mélie en Bavière ? Bah, parce que je suis une femme. C'était pour dire que ça pouvait être n'importe quel titre. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ah oui, bah, j'avais pas... Merci Camille de reformuler. J'avais pas capté non plus. Tous les fonds sont reversés à une cause qui est... aux femmes battues, ouais. Aux femmes qui hyper précis là au final. Oui. Alors, une association de femmes qui subit des violences conjugales. De la main droite, non mais arrêtez d'être précis. Mais pourquoi arrêter d'être précis pour une fois qu'on violence est précis dans notre femmes. Vie okay, violence allez. Faite aux femmes, oui, c'est des, tous les fonds. Ah ouais, sont... allez, on parle là-dessus. Violence faite aux femmes. Ça vous va ou pas ? Oui. Oui, mais visiblement, vu la tête de l'animateur, c'est pas ça. Je propose qu'on peut proposer autre chose ou pas ? Mais j'ai... Droit des femmes. J'ai rien validé. Droit des femmes. Les femmes. La défense des droits des femmes. Les feux. Vous savez ce qui se passe généralement au mois d'octobre ? Octobre rouge. Ah, c'est pour le cancer du sein, bien sûr. J'allais le dire. On l'avait dit. Il n'y a pas que ça en octobre. Hein. Il y a autre chose. Il y a Halloween. Halloween. Rien à voir, entre les deux. Les vacances de la Toussaint. Aussi. Mais non, toujours pas. Entre les deux. Un truc qui est entre Octobre Rose et le 31 octobre. Bah. Et qui aurait rapport avec un bouquin. Qu'est-ce qu'on fait place, c'est quand Qu'est-ce qu'on fait avec un bouquin ? Non, c'est le mois de septembre. Un livre. Un prix ou le truc. Prix. Ah, le prix littéraire. Un prix Goncourt. Voilà. On le lit. Prix féminin. Ah, c'est pas le prix féminin de l'année ou... On le lit. On le lit, d'accord. Et on le lit, c'est pas une cause humanitaire, le prix féminin ou Goncourt. Enfin, je ne sais pas, moi. Non, mais j'essaie de t'aider. Oui, mais bon, des fois... Hein. On le lit. On le lit. Ah, donc là, déjà, ça a été lu. Alors, essayez de savoir par qui. Et vous saurez pourquoi. Alors là... Là, je peux pas dire plus. Hein. Là, on peut pas passer sur la question cuisine. Mon téléphone. Essayez de savoir par qui ça a été lu. Après, vous pouvez abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux il y a question. Mois d'octobre, c'est passé quoi ? On abandonne et on pose. Oui, on prend une autre question. On dit une cause au hasard quand même. On répond à un truc au pif, non ? Bah ouais, moi ça m'intrigue. On n'est pas au courant de ce qui s'est passé au mois d'octobre. Il y a Sarkozy qui a été en prison. Mais à côté de ça, on perd du temps et on pourra plus avoir d'autres questions. C'est pas faux. Il vous reste 13 minutes. Ouais, non, bah. Allez, on passe. Bah c'est tout simple. C'est tout simplement la dictée d'Ella. Ah oui, non, on n'est pas du tout chose. Jamais on aurait trouvé ça. Ah bon, d'accord. Ah non, pourtant, on en a parlé dans la presse. Mais c'est sûr qu'on aurait pas. Non, mais en fait, on vit dans une grotte, je pense. C'est notre jour de sortie aujourd'hui. Pourtant, on a un peu tout fou. C'est le livre qui a été donc retenu pour lire La dictée d'Ella. Donc la cause humanitaire voilà, que vous avez suivie. Et les gens courent pour cette Zinedine Zidane qui est le parrain. On voit la cause, mais je pensais pas que c'était à ce moment-là. C'était un prof il était dans mon collège, prof dans mon collège à l'époque. Zidane ? Non. Monsieur Alba, celui qui gère, qui a créé l'association. Ok. Voilà. Donc, c'était cette cause-là qu'il fallait choisir. D'accord. On continue. On est toujours à 25. C'est à... Mélie. Bon, vas-y, Mélie ou moi. Allez, perds pas de temps, Mélie, perds pas de temps. Insertion. Allez, 5. Allez. Une question spéciale. Ah. Question insertion. Oh là là. Ah bah, d'accord. On passe. Question suivante. Non, mais... Cuisine. Pour quelle cause non, combien de points ? 5 points aussi ? 5. Papy José. Ça commence mal. On donne rendez-vous chaque mois sur les ondes de Radio Fadjet pour une émission pour le moins originale. Pourquoi ? Là, c'est vrai que c'est Papy José, quoi. Est-ce qu'on passe tout Non, mais on passe, ouais. On passe. Ah bah oui, parce que je suis là, on ne sait désolé, pas. Désolé, Papy. Allez, on passe, Papy José. Au revoir, Papy. Bon, alors, c'est une émission qui. Il faut que je retrouve parce que c'est tellement. tellement facile de trouver. Pose-nous une autre question pendant ce temps-là, tu retrouves pas. Le temps presse, apparemment. C'est une émission qui existe. Si, si, c'est une émission qui traite du handicap et du visuel. Ah, d'accord. Quelqu'un qui est une personne qui. Voilà. D'accord. Okay. Qui fait une émission sur Fadjet. Super, bah écoute. Elle s'appelle comment cette émission ? Voilà, bah, la Papy José. Ah, ok, on sait pas. J'essaie de la retrouver, mais je vous la retrouve. Donc, question cuisine. On garde la question pour la semaine prochaine. Il faut tirer au sort avant Rodolphe. Hein. On ne choisit pas son thème. Attends, c'est moi je vais le tirer, bouge pas. Cuisine. Comment Allez, 5 points, 5 points. 10. On peut pas, on peut pas. C'est vrai, c'est une fois. 7. Il y a 7 aussi. Ah, il y a 7. Ah, il y a 7. On prend 7. Il y a 7. On prend 7. Il y a pas 7. Non, c'est 5. Ah, d'accord. 1, 3, 5. C'est 1, 3, 5, 10. C'est pour ça qu'on prend 9. Non, 9 et demi, je crois. Allez. Bon. Quel est le seul aliment qui ne périme pas ? Le miel. Le miel, oui. On est d'accord. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Notre dernier mot, Benoît, cette fois. C'est le miel. Le miel. Vous êtes très fort en cuisine. Ah ouais, on est fort en cuisine. Ça va avec la grotte, hein, tu vois, on est chez nous, quoi, donc on mange. J'ai envie de parler comme Cyril Lignac depuis 10 minutes, mais dès qu'on est cuisine. Allez. Là, vous êtes bien croquante, bien gourmande. Culture. J'avais déjà pris culture tout à l'heure, ça a été un flop. Mais cool. Non, on avait trouvé... Une question culture. Oui. Allez. Alors, 5 aussi. Oui, oui, oui. Oui. Oh. Qui est Angélique Ducoudray ? Et. Oh my god. Ouais, c'est compliqué ça aussi. Oh là là. J'aime bien parce que l'animateur se rend compte qu'il a fait des questions trop compliquées. Non, c'est pas vrai. Y a pas un indice, y a rien. Non, mais si. C'est compliqué. Et on va changer. Enfin. Je suis perturbé. Prends le 50-50, Jean-Pierre. C'est Anne-Claire du coup maintenant. C'est Anne-Claire, bah, c'est ma boulangère. Voilà, 5 points. Je change de question, excusez-moi, ça sera mieux. Ça, c'est plus simple. Ah. Qu'est-ce que Super Grand Prix ? Est-ce qu'on peut reprendre la question d'avant ? Il manque un mot. Voilà. Qu'est-ce que Super Grand Prix ? Super Grand Prix. Super Grand Prix. Est-ce que c'est un film ? Je peux dire quoi ? Est-ce que tu peux nous épeler le mot ? C'est il y a pas de tout attaché ou... Super et super grand prix j'ai comme grand et prix comme prix. Et parce qu'il y a les trucs le grand prix les grands prix moto c'est les GP moto. Ouais. Est-ce que c'est un lien avec ça ? Est-ce que c'est le Bah alors là. J'ai un doute parce qu'il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps et je crois qu'il s'appelle Super Grand Prix, mais je suis pas sûr. Il y avait un dessin animé par les créateurs d'Europa Park qui s'appelle Grand Prix quelque chose, mais ça se trouve je dis n'importe quoi et je passe pour Je un... crois qu'on n'a pas d'autres pistes. Est-ce non, que on a pas d'autres alors pistes. Faisons comme si on. Donc on va suivre ta piste. On va voir sa tête. Oh là là, c'est peut-être un film, je crois. Non, je ne. Ah non, non, c'est pas ça. Ah non, ça doit être un truc de sport automobile. C'est un truc de en lien avec le sport. Je n'ai rien dit. Je te demande, c'est un truc en lien avec le sport. Je ne dirai rien. La première piste était bonne, moi, je pense. Le Grand Prix moto là ? Je sais pas. C'est le nom du prix qui est remis au champion du monde de Grand Prix moto. Non, tu parles de sa piste à lui ? Ouais, je sais pas. Bah non, parce qu'il a dit non. J'ai rien dit. Ah d'accord. Ah bah alors on dit ça. Oui, c'est on dit un film. Pas. Tu vois, oui, on sait non, pas. Mais c'est un film. Un film. Un film. Un dessin animé. J'ai senti qu'il avait la petite étincelle, la Guélène, quoi. Il l'a dit. Arrête, je dis n'importe quoi. On sent souvent qu'il a la petite étincelle et c'est pas. Ça n'allume pas toujours des grands feux. Oui, c'est ça. Eh bien, l'étincelle était bonne. Je retire ce que je viens de dire. Il a tout dit. Ok. Bon. Il a tout dit. Europa Park, la petite souris. Eh ben, bravo. Ouais. Bravo. Trop fort. Bravo. Merci. Et du coup, on est à 35. Vous êtes à 35 et il vous reste 8 minutes. Allez, oh, allez, 5 points. Est-ce que les autres équipes ont fait 40 ? Oui. On s'en fiche des autres. Oui. On s'en fiche pas. Non, c'est le temps qui compte maintenant. Allez. Ok. Émission. Allez, c'est bon. On termine là-dessus. Question. Émission. On fait 5. Hein. Dans quelle émission ? Oui. Oui, vous êtes à 35, de toute façon, c'est 5. Oui. Dans quelle émission a-t-on pu entendre parler d'hématidrose ? Oula. Hématidrose. Je ne sais pas si c'est hématidrose, genre une actrice. C'est une hématite rose. H-E-M-A-T-I-D-R-O-S-E. C'est une maladie. Il y a un truc sur la santé, Fadjet ? Oh. Après, ça peut être dans une matinale, ça aussi. Bah oui. On dit la matinale ? On sait pas. Bah, si on sait pas du tout. On dit la matinale comme ça. Ouais. On a une nouvelle question après. Il y a pas du tout d'émission qui parle. J'en sais rien. Moi, je sais pas. Personne sait. Donc de toute façon. Si, il y a une émission de bien-être, non? Ah, mais tu connais le nom, non? Disons la matinale. Comme ça, on passe à une autre question. Allez, la matinale. On écoute. Tiens, nous, ça se trouve. Les matidroses, Sarah. Oh là, les matidroses. C'est la matinale. Vraiment. Rapport avec le sang. Bah, bravo. Bah oui, ouais. c'est la racine. Oui, oui, mais alors. Mathis, c'est la peur. Je ne savais pas que ça existait. On n'est pas loin. Il y a la peur et il y a le sang. La peur de faire une hémorragie? Non. La peur je ne savais de pas voir que ça existait. Non, l'hématidrose, les amis, c'est une pathologie qui consiste à transpirer du sang à cause d'un stress extrême. Oh là là. Alors là, François, je suis en train d'écrire le deuxième. Je vais tout revoir. Voilà. C'est bien la matinale, ça. C'est bien la matinale. Transpirer du sang à cause d'un stress extrême. Mais c'est horrible. C'est la matinale du mardi. Mardi. Oh. Oui. Ah là là, ils avaient un collab sur la matinale. Ah bah. Je crois, ouais. Oui, c'est... Et on devait dire la matinale, c'est ça la réponse. Sarah, à la matinale, service compris. Par François, oui. tout ça. J'ai arrêté le chrono en plus. Dès qu'on a eu la. Perfect. On a fait les 40 déjà, c'est pas mal. J'y croyais pas. Donc, en combien de temps exactement Il reste 6 minutes 45. Oui, donc et en 34 minutes, en 34... 33 minutes. 33 minutes 15. On est pour... plus que prévu. Mais je crois que tout à l'heure, c'était mieux les autres. Ils disaient... Non, t'as pas donné l'histoire des autres. 36, donc là, vous êtes largement... Oh, on a battu les autres. Allez, remets 5 questions. Ouais, donc bravo, vous avez été très très rapide. Bravo. Pourtant, il y a eu quand même quelques questions un petit peu difficiles. On a eu 3 questions à la suite, on n'a pas répondu. Mais bon, c'est pas, voilà, on s'est pas démobilisé, ouais, on a pris là, match après match. On était présents. Aussi bien tactiquement que techniquement. Ça très bien. Alors maintenant, vous savez qu'à la fin, si on arrive au 40e marche, il y a une chanson, il va falloir chanter. Alors vous avez le choix de la chanson, je vais vous en proposer quelques-unes. Ou la semaine dernière, il y a 15 jours, le groupe avait envie de chanter une chanson, donc il a chanté sa chanson. En attendant, et ben on va écouter le choix. J'étais sûr qu'on passerait le choix d'Isabelle, qui est Le petit voisin de Jeanne Chéral. C'est marrant, tu savais que tu jouais avec les. Eh ben, pas à ce moment-là. J'avais choisi la chanson avant de savoir que c'était avec. Et j'ai trouvé super un clin d'œil, le petit voisin. Ça tombe ouais. Très très bien. Et donc ça tombe autant mieux. Donc voilà, c'est Jeanne Chéral qui chante Le petit voisin. C'est aussi au même endroit que tu as trouvé Imagine Dragon. On écoute ça tout de suite. Le petit voisin s'appelle Jocelyn, avec un P, avec un F comme dans Martine. Le petit voisin, il a un grain de sel ou bien de sable ou bien de caféine. Le petit voisin habite au-dessus de chez nous qui, évidemment, se ment dessous. Il prend des cours de jujitsu, mais n'est pas mauvais pour dessous. Et dans tout l'immeuble, crado mais sympathique, on se chicane, on se cherche, on s'engueule gentiment. Mais le petit voisin, il est total stoïque, et d'ailleurs, il s'en fout car il est étudiant. Petit voisin dans son T1 a des instruments assez rares et insolites, des percus, un masque malien, des cendriers et des gris-gris de bakélite. Il souffle dans un bout de bambou, un didgeridoo ou de pierre à port du Népal. Il joue à poser des embouts sur des bouteilles, puis l'aspire et devient tout pâle. Et dans tout l'immeuble, crado mais acceptable, on se chicane, on se cherche, on s'engueule calmement. Mais le petit voisin, il s'assied à sa table et il se roule un stick car il est étudiant. Petit voisin, pour justifier sa bourse accordée par la fac, fait un saut hors de son T1 et intègre un amphibondé comme un gros sac. Puis leur passé, il rentre au port, non sans avoir fait un détour par chez Bubu. Une petite partie de Fighting Simulator, mais pas plus de 4 heures, il faut pas d'abus. Et dans tout l'immeuble, crado, mais bon, ça va, on se chicane, on se cherche, on signe des pétitions. Mais le petit voisin, en lisant des mangas, rêve à des jours meilleurs, car il est étudiant. Macadam citoyen, que l'on piétine quand on n'en peut plus de stagner. On voit passer le petit voisin, sous des bannières il se plaît à revendiquer. Et un peu plus de ci, moins de ça, un citino jambé devant la préfecture. Les causes perdues, les grands débats, on finit par tout faire flamber dans l'aventure. Et dans tout l'immeuble, crado est pas fini, on se chicane, on se cherche à s'en rendre malade. Mais Et puis un jour le petit voisin ira pointer quelque part pour bouffer un peu. Il s'ennuiera et sera loin, le temps où il rêvait que demain serait mieux. Alors pour tromper l'amertume, comme à 18 bergeons criant que ça suffit, il arpentera le bitume, rien ne changera mais au moins ça dégourdit. Au moins ça au moins ça dégourdit. En moins de 35 minutes. 33 et 15 secondes. En 33 minutes, notre équipe. Alors, c'est effectivement, Manon m'a dit qu'on n'avait pas annoncé votre nom d'équipe à l'antenne. Voilà, donc c'est. La Lorénade. La Lorénade. Eh bien, la Lorénade vous aura porté chance. Ce mix entre. En passant par la Lorraine et la voisinade, eh bien, vous aura fait gravir les marches très, très vite avec des questions que vous avez brillamment répondu. L'académie se termine toujours. Alors à l'époque, je sais pas, vous connaissez pas, il y a 20 ans, l'académie c'était ce même genre de style d'émission avec des petites questions jeux. Encore plus compliqué que maintenant. J'ai fait simple là maintenant. Et à l'époque, j'étais plus jeune, donc je faisais des trucs. Il y avait les marques de voitures et tout. Il y avait des marques de voitures, wow. C'était un peu compliqué. Là, j'ai fait simple pour les 40 ans, mais ça se terminait toujours en chanson et à la fin, on chantait tous ensemble une chanson. Donc voilà, j'ai fait un petit choix de chansons. Vous avez choisi Gims. Très bon choix, Gims. Qui sera l'été prochain à l'open air. Sûr, je vois que c'est écrit instrumental en haut. On est dans la merde. Ah ouais. Finalement, j'aimais bien l'idée de Francky Vincent. On n'a pas les paroles en fond. Si, non mais tu les as devant toi. Non mais on n'a pas dans l'oreillette, non. Non, c'était un instrumental. Ça va être une catastrophe. Ah oui, c'était la seule chanson qu'on connaissait. Il y en a pas qui connaît la musique. Isabelle, elle chante. Oui, je chante. Mais je pas du mettre les chansons que tu nous as proposées. Va prendre Francky Vincent. Non, vraiment, il n'y a pas de possibilité. C'est là que je vous laisse. Je m'en vais. Voilà. Allez, on assume. Ah bah oui, bah. Je m'assume au bout. Allez, c'est parti. Voici Gims. C'est même pas quand elle commence la chanson. Avec et donc au début, il fait. Mais quand voilà, au début, parce que... Il connaît par cœur. Ah, oui, je connais pas par cœur. C'est un petit short de Gims, quand même. Allez, on y va, c'est bon parti. Assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, ciel, assunto, assunto, assunto, assunto, ciel, assunto, assunto, assunto, assunto, ciel. Pas dit que t'étais magicienne, ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert, j'ai retrouvé la vue dans le ferrière. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne sienne. Elle est tombée du ciel, oh oui. Lui dit que tu l'aimais, c'est pour de faux. Aidez-moi, de faux, j'ai le cours des choses. T'as suivi son amour au fond de la fosse. Aujourd'hui t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans la Ferrari vert. Chante Isa. Je ne la connais pas, tu comprends. Moi je suis Rodolphe. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oh oui. Assunto. Assunto. Assunto. Assunto. Tu reprends Benoît avec nous là. On est où là? On est perdus, nous. Je me suis partout et même dans mes galères. Je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te perdre. Assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto, assunto. C'est long, hein. Zunto. C'est parti. Ciel, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans la Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Ciel. Oh oui, Asunto. Merci, merci à vous d'avoir joué le jeu. Vous venez de perdre 20 points. Un carambolage dans la rue en face de Padgett. Non, sincèrement, non, vous avez relevé le défi, c'est sympa. Ah, c'est, oui, oui, c'était mais... pas forcément mieux avant. Hein. Je pourrais vous faire écouter des bandes. Nous voilà rassurés. De l'époque. C'est la deuxième fois que j'entends cette chanson. Et en plus, ils pouvaient préparer. À l'époque. À l'époque, oui. À l'époque, ils préparaient. Ils allaient dans le studio à côté et puis ils pouvaient. L'émission était un petit peu plus longue, ça durait 2 heures, donc ils avaient le temps un peu de se préparer. Voilà. J'imagine quand même les gens qui sont connectés. L'écouter avant, ça aurait été pas mal. Ah oui, qui se disent. Ils sont arrivés. Ils se mettent Ils ont Ah bah non. Ah bah non. C'est ça, les gens qui changent pour avoir de la musique. Va perdre Maître Gims. C'est la version par la Starac de Maître Gims. Excuse vraiment. Mais non, mais lui, justement, il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est, oui, mais justement, ça. Il change. Il dit, non, mais c'est fait mal aux oreilles. Enfin, moi, j'ai perdu de l'audition, là, en m'entendant. J'ai 3 minutes de Joule maintenant, c'est parti. Allez. Ouais, c'était un autre choix, c'est vrai. Allez, 19h passé de 56 minutes. Dans quelques instants, eh bien, c'est la programmation de Fadjet qui continue. Et je vous retrouve avec le Hot 40 pour la révélation du nouveau classement. Et bien sûr, l'Académie Fadjet revient la semaine prochaine avec une nouvelle équipe. Il y aura dans cette équipe la semaine prochaine la voix Stéphane. De la radio, Stéphane, celui qu'on entend régulièrement, celui qui fait les voix, qui a fait le message qu'on a entendu avec Laurent tout à l'heure dans Destination Série pour en solidarité avec les radios associatives qui sont un peu dans la galère en ce moment, où il faut trouver des fonds. Il y aura aussi le grand maître Jean-Luc qui jouera également. Et puis il y aura aussi Francis, un ancien de la radio. Et puis aussi, je ne sais plus qui, il y a encore du monde. Voilà, ils seront une belle équipe la semaine prochaine. Ils assurent le futur deuxième, hein, du coup, parce qu'ils ne seront pas devant nous. Voilà. Pour l'instant, la barre est quand même assez haute. Là, hein. Ça risque. Donc réservez votre 18 décembre, hein, messieurs, dames. En live, hein, je serai là avec un genou en moins. Remonte escalier, mais je serai là. Portera s'il faut. Il y a genou tout neuf. Donc là, on a des émissions mensuelles là, du coup, parce que en passant par la Lorraine, c'est pour décembre également. Ça sera pour décembre. Oui. Ouais, on te retrouve donc vendredi. Vendredi prochain, du coup, également. Ce matin. En passant par la Lorraine. Donc ça sera le prochain. Et donc vous, c'est début décembre, c'est ça? Bah, si, ça dépend du genou, mais normalement, c'est le premier et troisième jeudi de chaque mois. On vise le premier, on verra. Voilà. Eh bien, on vous retrouvera avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci à toi. C'était très cool. Merci beaucoup pour cette émission. On se retrouve donc nous la semaine prochaine. Et très très bon week-end à toutes et à tous. Bye bye. Salut. Salut. Gadget. Une radio locale, citoyenne et solidaire.